Chapitre 2e, la route de Guérande. Une immense foule effrayée, éperdue, fuyait du côté de Guérande. Elle descendait les pentes de la ville comme un torrent, se heurtant aux angles, et rejaillissait au-delà du talus. Plus d'un achevait là de mourir, que le sabre des Bleus avait mutilé pendant la bataille. La confusion était inexprimable. Cependant, en moins d'une heure, la ville fut entièrement évacuée. La résistance de Marigny avait donné aux fuyards le temps de rassembler femmes, vieillards, enfants, et de les pousser sur la route. Ils pouvaient entendre au-dessus de leur tête le canon qui protégeait la retraite. Mais quand celui-ci vint à se taire, les Blancs accueillirent son silence par des cris de désespoir. Ils allaient avoir à leur trousse toute l'armée ennemie. En effet, des coups de fusil plus nombreux, plus rapprochés, éclatèrent bientôt sur les flancs de la longue colonne, et les malheureux tombèrent en grand nombre pour ne plus se relever. Le spectacle de cette débandade est impossible à décrire. La pluie redoublait au milieu d'un brouillard illuminé çà et là par les coups de feu. D'immenses mares d'eau mêlées d'un sang vif coupaient la route, mais coûte que coûte, il fallait les franchir. La seule chance de salut était en avant, à droite, des marais immenses, à gauche, le fleuve grossit et débordé, impossible de s'écarter de la ligne droite, et si quelque royaliste désespéré se fût jeté du côté de la Loire, il eût trouvé ses bords encore encombrés des cadavres de Carrier. Les généraux républicains harcelaient les fugitifs, les décimant ou les dispersant. Les blessés, les vieillards, les femmes retardaient la marche du funèbre convoi. Des enfants nés de la veille étaient exposés nus à toutes les rigueurs de la saison. Les mères n'avaient pas de quoi les couvrir. La faim et le froid ajoutaient leur torture à toutes ces souffrances. Les bestiaux qui fuyaient par la même route dominaient la tempête de leurs mugissements et souvent, pris d'insurmontables terreurs, ils donnaient tête baissée à travers les groupes et faisaient de leurs cornes des trouées sanglantes dans la foule. Là, au milieu de cet encombrement, les rangs, les classes, tout se confondait. Un grand nombre de jeunes femmes des plus nobles familles de la Vendée, de l'Anjou, du Poitou, de la Bretagne, celles qui avaient suivi leurs frères, leurs pères, leurs maris pendant la Grande Guerre, partageaient la souffrance des plus humbles paysannes. Quelques-unes de ces vaillantes filles, d'une bravoure à toute épreuve, protégeaient elles-mêmes les flancs de la colonne. Souvent, l'une d'elles s'écriait « Au feu, les Vendéennes !» Alors, à la façon des Blancs, elle s'égayait parmi les alliés de la route et faisait le coup de fusil avec les soldats républicains. Cependant, la nuit approchait. Le comte de Chantelaine, sans songer à lui, encourageait ses infortunés. Il relevait les uns qui s'embourbaient, les autres que trahissaient leur force. Il se demandait si l'obscurité protégerait les fuyards ou permettrait à leurs ennemis de les achever. Son cœur saignait à la vue de tant de souffrances, et des larmes lui venaient aux yeux. Il ne pouvait accoutumer ses regards à ce sinistre spectacle. Pourtant, il en avait bien vu, pendant cette guerre de 10 mois. Au premier soulèvement de Saint-Florent, quittant son château de Chantelaine, sa femme, sa fille, tout ce qu'il aimait, il vola à la défense de l'hôtel. Audacieux, dévoué, héroïque, le premier au feu à tous les combats de l'armée royale, il était de ces gens qui firent dire au général Beaupuis « Des troupes qui ont vaincu de tels Français peuvent se flatter de vaincre tous les peuples de l'Europe réunis contre un seul. » Cependant, sa tâche n'était pas finie avec la défaite de Savenay. Il se tenait en queue de l'immense colonne, activant, pressant les rangs des fugitifs, brûlant ses dernières cartouches et repoussant du sabre les Bleus trop avancés. Mais en dépit de tout, il voyait ses compagnons tomber peu à peu en arrière et il entendait leurs cris pendant qu'on les égorgeait dans l'ombre. Alors, les bras étendus, il poussait cette foule sur la route de Guérande. Il l'exhortait, il la pressait de ses paroles. « Mais allez donc !» disait-il au retardataire. « Mon officier, je n'en puis plus !» lui répondait l'un. « Je meurs !» s'écrie un autre. « À moi, à moi !» faisait une femme qu'une balle ennemie venait de frapper à ses côtés. « Ma fille, ma fille !» s'écria une mère brusquement séparée de son enfant. Le comte de Chantelaine, consolant, soutenant, aidant, allait de l'un à l'autre, mais il se sentait débordé. Vers 4 heures du soir, il fut rejoint par un paysan qu'il reconnut malgré l'obscurité et le brouillard. « Kernan ! » s'écria-t-il. « Oui, notre maître. Vivant ?» « Oui, mais marchons, marchons !» répondit le paysan en essayant d'entraîner le comte. « Et c'est malheureux, » dit celui-ci, montrant les groupes épars. « Nous ne pouvons pas les abandonner. Votre courage n'y fera rien, notre maître. Venez, venez !» Guernant, que veux-tu? Je vais vous dire que de grands malheurs vous attendent. Moi? Oui, notre maître, madame la comtesse, ma nièce Marie, ma femme, ma fille, s'écria le comte en saisissant le bras de Guernant. Oui, j'ai vu Carbal. Carbal? S'écria le comte en traînant hors de la foule l'homme qui lui parlait. C'était un paysan coiffé d'un bonnet de laine brune. Par-dessus, un chapeau à large bord, entouré d'un chapelet, maintenait dans l'ombre sa figure énergique et rude. Ses longs cheveux souillés de sang retombaient sur ses larges épaules. Des brêles de toile descendaient en plis flottants jusqu'à ses genoux nus et rouges de froid. Au-dessous, des guêtres drapées se rattachaient par des jarretières multicolores. Ses pieds, engouffrés dans d'énormes sabots à demi brisés, reposaient sur une litière de paille et de sang. Une peau de bigue jetée sur le dos du breton complétait son costume. Le manche d'un coutelas sortait de sa ceinture à large boucle, et de la main droite, il tenait son fusil par le milieu du canon. Ce paysan devait être d'une extrême vigueur. En effet, il passait dans son pays pour avoir une force formidable, surhumaine. On citait de lui des traits étonnants, et jamais le terrible lutteur n'avait trouvé son maître dans les pardons de Bretagne. Ses vêtements déchirés, souillés, ensanglantés, disaient assez la part qu'il avait prise au dernier combat de l'armée catholique. Il suivit le comte de Chantelaine à grands pas. Celui-ci, pour se frayer un chemin plus rapide, prit par les douves à demi pleines d'eau et de fange. Les paroles que venait de prononcer Guernant l'avaient épouvanté. Lorsqu'il eut gagné la tête de la colonne, il se trouva près d'un petit bois, une sorte de taillis, dans lequel il poussa le breton et d'une voix altérée lui dit « Tu as vu Carbal ?»« Oui, notre maître. » « Où ? » ?»« Dans la mêlée, parmi les bleus. » « Et t'a-t-il reconnu ?»« Oui. » »« Il t'a parlé ?»« Oui. » Après avoir déchargé des pistolets sur moi. « Tu n'es pas blessé ?» s'écria vivement le comte. « Non, pas encore, » répondit le breton avec un triste sourire. « Et que t'a dit ce misérable ?»« On t'attend au château de Chantelaine. » s'est-il écrié en disparaissant au milieu de la fumée. « J'ai voulu le rejoindre, mais en vain. »« On t'attend au château de Chantelaine ?» répéta le comte. « Qu'a-t-il voulu dire par ces paroles ?»« De mauvaises choses, notre maître. » Et que faisait-il dans l'armée républicaine? Il commandait à une troupe de brigands de sa trempe. Ah, indigne officier des armées de la Convention, que j'ai chassé de chez moi pour vol. Oui, les bandits font leur chemin par le temps qui court. Mais les paroles de Carbal n'en sont pas moins terribles. Au château de Chantelaine, a-t-il dit, il faut y courir. Oui, oui, répondit le comte avec une exaltation douloureuse. Mais c'est malheureux, et la cause catholique. Notre maître, dit gravement Guernant. Avant la patrie, il y a la famille. Que deviendrait sans nous madame la comtesse et ma nièce Marie? Vous avez rempli votre devoir de gentilhomme. Vous vous êtes battu pour Dieu et le roi. Retournons au château, et une fois les nôtres en sûreté, nous reviendrons. L'armée catholique est détruite, mais tout n'est pas fini, croyez-moi. On se remue dans le Morbihan. Je sais là un certain Jean Cottereau qui donnera du fil à retordre aux républicains, et nous l'aiderons à embrouiller les chevaux. Bien donc, dit le comte, tu as raison. Les paroles de ce Carbal contiennent une menace. Il faut que je conduise ma femme et ma fille hors de France, et je reviendrai me faire tuer ici. Nous y reviendrons ensemble, notre maître, répondit Guernant. Mais comment arriver au château? Mes avis, reprit le paysan, que nous devons rejoindre Guérande, de là, suivre la côte soit au Croisic, soit Piriac, et gagner par mer une des baies du Finistère. Mais une barque, s'écria le comte, vous avez de l'or sur vous? Oui, près de 1500 livres. Eh bien, avec cela on achète un bateau de pêche, et s'il le faut, le pêcheur par-dessus le marché. Cependant, il n'y a pas de choix, notre maître. Par terre, nous tomberions bientôt dans un parti d'eau bleue, où, forcés de nous cacher, d'éviter les routes, de prendre par les traînées, de perdre du temps en marche et en contre-marche, nous risquerions d'arriver trop tard, si nous arrivions. Alors en route, reprit le comte. En route, répondit Guernant. Le comte de Chantelaine avait toute confiance dans ce Guernant, son frère de lait. Ce brave breton faisait partie de la famille. Il appelait ma nièce madame Marie de Chantelaine, et la jeune fille le nommait mon oncle Guernant. Depuis leur enfance, le maître et le serviteur ne s'étaient jamais quittés. Le breton, par l'éducation qu'il avait reçue, se trouvait supérieur aux gens de sa condition. Après avoir partagé les plaisirs de l'enfant, les fatigues du jeune homme, il venait de prendre avec lui sa part des misères et des malheurs de la guerre. Le comte, en partant pour rejoindre Catelineau, aurait voulu laisser Guernant au château de Chantelaine, mais séparer le frère du frère eût été impossible. D'autres serviteurs restaient d'ailleurs pour protéger la comtesse. Puis, la situation du château au fond du Finistère, loin de Quimper, loin de Brest, où s'agitaient les clubs républicains, dans un pays perdu entre le Fouesnant et Plougastel, rassurait le comte, et croyant sa famille en sûreté, il n'avait pas hésité à se jeter dans le mouvement royaliste. Seulement, la rencontre de Carbal, ancien domestique du château, échassé un an auparavant pour vol, ses menaces, ses paroles, créaient un danger immédiat au-devant duquel il fallait voler. Le comte et Kernon se jetèrent donc en dehors de la route, au moment où les fuyards arrivaient au marais de Saint-Joachim. Ils entrevirent une dernière fois cette colonne effarée qui se perdait au milieu des ténèbres et dont les cris s'éteignirent peu à peu dans l'ombre de la nuit. À 8 heures du soir, le comte et Kernon arrivèrent à Guérande. Ils devançaient d'une demi-heure à peine les plus rapides des fugitifs. Les herses de la ville étaient levées, mais par la poterne, ils pénétrèrent dans ces rues désertes. Quelle morne tranquillité comparée à l'horrible fracas de Savenay. Pas une lumière aux fenêtres, pas un passant attardé. La terreur enfermait les habitants dans leurs maisons noires, sous les barres et les verrous des portes. Les Guérandais avaient entendu le canon pendant toute la matinée. Quelle que fût l'issue du combat, ils devaient craindre l'envahissement de vaincus désespérés comme l'envahissement de vainqueurs intraitables. Les deux compagnons de fuite marchaient rapidement sur les pavés raboteux et leurs pas retentissaient d'une façon sinistre. Ils arrivèrent à la place de l'église et bientôt sur les remparts. De là, ils purent entendre le bruit croissant qui venait de la campagne, un murmure menaçant dans lequel éclataient quelquefois des détonations d'armes à feu. La pluie avait cessé. La lune apparaissait au travers des nuages déchirés, bas et sombres, que le vent de l'ouest tordait sous ses rafales. Par suite d'une illusion d'optique, l'astre des nuits, comme pris de vertige, semblait fuir dans une course insensée. Sa lumière, très vive par instants, éclairait violemment la campagne dont elle relevait les moindres lignes avec une remarquable netteté et promenait sur le sol des ombres larges et rapides. Le comte et Kernon jetaient alors un coup d'œil vers la mer. La baie de Guérande s'ouvrait devant eux au-delà de l'immense échiquier des marais salants. À gauche, le clocher du bourg de Batz sortait des dunes jaunâtres. Plus loin, la flèche du Croisic, estompée par la brume, terminait cette langue de terre qui se perdait dans l'océan. À droite, à l'extrémité de la baie, les excellents dieux de Kernon purent distinguer encore le clocher de Piriac. Au-delà, la mer étincelait sous le faisceau des rayons lunaires et se confondait dans un même éclat avec la ligne du ciel. Le vent soufflait violemment. Les maigres arbres agitaient leurs squelettes décharnés et de temps en temps une pierre, détachée de son alvéole, roulait du haut des remparts dans le fossé bourbeux. « Eh bien, » dit le comte de Chantelaine à son compagnon en s'arc-boutant contre le vent, « là-bas, le Croisic, là-bas, Piriac, où allons-nous »« Au Croisic, nous trouverions plus facilement une barque de pêcheurs. Mais s'il nous fallait revenir sur nos pas, une fois engagés dans cette langue de terre, nous serions fort embarrassés, et il deviendrait facile de nous couper toute retraite. À tes ordres, Kernon, je te suis, mais prends par le plus court, sinon par le plus sûr. Mais avis de tourner la baie et de marcher sur Piriac. C'est à 3 lieues à peine, et d'un bon pas nous y arriverons au moins de 2 heures. En route, répondit le comte. Les deux fugitifs quittèrent la ville au moment où les premiers rangs des Vendéens y entraient par le rempart opposé, forçant les portes, escaladant les fossés, donnant un véritable assaut. Les lumières apparaissaient rapidement aux fenêtres. La paisible Guérande s'emplissait d'un bruit et d'un désordre inaccoutumé. Des détonations ébranlaient ses vieilles murailles, et bientôt la cloche de son église jeta dans les airs les sons haletants du tocsin. Le comte éprouva un violent serrement de cœur. Sa main se crispa sur son fusil. On eût dit qu'il allait retourner au secours de ses infortunés compagnons. « Et madame la comtesse ?» dit Kernon, d'une voix grave. « Et ma nièce Marie ?»« Viens, viens !» répondit le comte, en descendant un pas rapide les talus de la ville. Bientôt, le maître et le serviteur furent en pleine campagne. Ils gagnèrent la côte pour éviter la route ordinaire et tournèrent les marais salants dont les mulons de sel étincelaient sous les rayons de la lune. Des murmures sinistres venaient au travers des arbres rachitiques courbés sous le vent du large, et l'on entendait l'assourdissante mélancolie de la marée montante. Plusieurs fois, des cris douloureux arrivaient. Quelques balles perdues venaient s'aplatir avec un bruit sec sur les rochers de la côte. Des flammes d'incendie éclairaient l'horizon de reflets blafards, et des bandes de loups affamés, sentant la chair vive, poussaient dans l'ombre leurs sinistres hurlements. Le comte et Kernan marchaient sans échanger une parole. Mais les mêmes pensées les agitaient et se communiquaient de l'un à l'autre aussi distinctement que s'ils eussent parlé. Quelquefois, ils s'arrêtaient pour regarder en arrière et examiner la campagne. Puis, ne se voyant pas poursuivis, ils reprenaient leur marche à grands pas. Avant 10 heures, ils atteignirent le bourg de Piriac. Ils ne voulurent pas se hasarder dans ses rues et gagnèrent directement la pointe Castelli. De là, leur regard s'étendit sur la pleine mer. À droite se dressaient les rochers de l'île du Mai. À gauche, le phare du four jetait ses éclats intermittents à tous les points de l'horizon. Au large s'étalait la masse sombre et confuse de Belle-Île. Le comte et son compagnon, n'apercevant aucune barque de pêcheurs, revinrent à Piriac. Là, plusieurs chaloupes, ancrées sur le sable, se balançaient à la houle de la marée montante. Kernan avisa l'une d'elles qu'un pêcheur se disposait à quitter après avoir replié sa voile. « Où est l'ami ? » lui cria-t-il. Le pêcheur interpellé sauta sur le sable et s'approcha d'un air assez inquiet. « Viens donc ! » lui dit le comte. « Vous n'êtes point de chez nous ? » dit le pêcheur après avoir fait quelques pas en avant. « Qu'est-ce que vous me voulez ? » « Peux-tu prendre la mer cette nuit même ? » dit Kernan et nous conduire. Kernan s'arrêta. « Où ? » fit le pêcheur. « Où ? Nous te le dirons une fois embarqué, » répondit le comte. « La mer est mauvaise et le vent du surroît n'est pas bon. »« Si on te paye bien, » répondit Kernan. « On ne payera jamais bien ma peau, » fit le pêcheur, qui cherchait à dévisager ses interlocuteurs. Après un instant, il leur dit. « Vous venez du côté de Savenay, vous autres, ça ronflait là-bas. »« Que t'importe, » fit Kernan, « veux-tu nous embarquer ?»« Ma foi, non. »« Trouverons-nous dans le bourg quelques marins plus hardis que toi ?» demanda le comte. « Je ne crois guère, » répondit le pêcheur. « Mais dites donc, » ajouta-t-il en clignant de l'œil, « vous ne dites que la moitié de ce qu'il faut dire pour qu'on vous embarque. Qu'offrez-vous ? » ? 1000 livres, » répondit le comte. « Du mauvais papier ?»« De l'or, » répondit Kernan. « De l'or, du vrai or, voyons un peu. » Le comte dénoua sa ceinture et en retira une 50aine de louis. « Ta barque vaut à peine le quart de cette somme. »« Oui, » répondit le pêcheur, les yeux allumés par la convoitise. « Mais ma peau vaut bien le reste. »« Eh bien, embarque, » fit le pêcheur en prenant l'or du comte. Il attira sa chaloupe vers la grève. Le comte et Kernan entrèrent dans l'eau jusqu'aux genoux et sautèrent dans l'embarcation. L'ancre fut arrachée du fond du sable. Pendant ce temps, Kernan hissa la vergue et la misaine rougeâtre se tendit au vent. Au moment où le pêcheur allait s'embarquer à son tour, Kernan le repoussa vivement et d'un coup de gaffe, il rejeta la chaloupe à une 10aine de pieds au large. « Eh bien ? » fit le pêcheur. « Garde ta peau !» lui cria Kernan. « Nous n'en avons qu'à faire. Ton bateau est payé. »« Mais ! » fit le comte. « Cela me connaît !» répondit Kernan, qui, bordant son écoute et tenant la barre, lança la chaloupe dans le vent. Le pêcheur stupéfait était resté muet, et quand il recouvra la parole, ce fut pour crier « Voleur de républicains !» Mais déjà l'embarcation disparaissait dans l'ombre, au milieu de l'écume obscurcie des vagues.